Paris, ta gueule. Fais taire tes moteurs, tes sirènes, on n'entend plus couler la Seine. Ta gueule, Paris, ta gueule. Arrête tous tes marteaux piqueurs, on n'entend plus battre ton cœur. Ta gueule, Paris, ta gueule. Pour vivre avec le temps qui passe, tu fais des tours à Montparnasse. Ta gueule, Paris, ta gueule. C'est pas parce que t'as la fringale qu'il fallait faire sauter les halles. Paris, Paris, tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours quand même, même si tu te fous de mes problèmes. Mais tu joues trop avec mes nerfs, je dors plus, j'étouffe, je manque d'air, je vais me mettre en colère. Ta gueule, Paris, ta gueule. J'ai rien contre ton RER, mais qu'est-ce qu'il remue comme poussière. Ta gueule, Paris, ta gueule. Je veux pas attaquer ta défense, mais c'est Brasilia, made in France. Pourtant tu seras chouette ma ville, toi le Paris de l'an 2000. Tes buildings d'acier et de verre resplendiront dans la lumière. Mais ta gueule Paris, ta gueule. Si toutes les femmes en accouchant nous faisaient le même boucan. Ta gueule Paris, ta gueule. Tu te fais refaire la façade comme une vieille coquette malade. Tu grandissais la vie, mais tes bulldozers à 7 heures, c'est tout de même un peu de bonheur. Je te le dis en ami, avec tes problèmes de croissance, tu casses les pieds à toute la France. Paris, Paris, tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours quand même, même si tu te fous de mes problèmes. Mais tu joues trop avec mes nerfs, je dors plus, j'étouffe, je manque d'air, j'ai failli me mettre en colère. Ta gueule Paris, ta gueule. Fais taire tes moteurs, tes sirènes, laisse-moi écouter la scène. Rien qu'un instant, Paris. Allez, renvoie tes fossoyeurs, laisse-moi entendre battre ton cœur. Ta gueule Paris. Merci.